comprendre un bulletin d'information. Exercice 2. Et maintenant, la campagne présidentielle. Il est 10h, voici notre bulletin d'information politique. Aujourd'hui, la campagne de Ségolène Royal. Voici les propositions que la candidate a présentées dans son discours d'hier soir devant les militants du Parti Socialiste. 1. Un accès privilégié à la formation et à l'emploi, afin d'éviter que les jeunes restent au chômage plus de 6 mois. 2. Une réforme de l'État. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. 3. Une réflexion au niveau national sur les salaires, les revenus, la vie chère. 4. Un soutien scolaire gratuit pour tous les élèves. 5. La création d'une police de quartier. 6. Une politique de prévention et de recherche sur les maladies graves. Et 7. Une Europe où la France a toute sa place.